إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 51 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre au sujet de la parole d'Allah. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce chapitre dans le livre de l'unicité afin de nous démontrer l'obligation d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont confirmés dans le Coran et la Sunna authentique. Puis il nous a mentionné des paroles des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala concernant l'explication de ce verset qu'il nous a cité. Il a donc dit, Ibn Abi Hatim a mentionné d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, au sujet de la parole d'Allah, yulhiduna fi asma'ih, ceux qui profanent ses noms, c'est-à-dire qui lui donnent des associés. Et il est rapporté de lui aussi qu'il a dit qu'ils ont appelé, c'est-à-dire les polythéistes, al-lat, en tirant ce nom du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilah. Et ils ont appelé Al-Uzza en tirant son nom du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz. Et d'après Al-A'mash, rahimahullah ta'ala, il a dit, ils introduisent dans ces noms ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire, ils introduisent dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala des noms qui n'en font pas partie. On voit donc que ce chapitre a un lien direct avec le tawhid et qu'il est obligatoire pour le serviteur de croire avec certitude aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de profaner ces noms fait partie des choses qui s'opposent au tawhid. Et cela peut s'opposer totalement au tawhid dans le cas où cette profanation relève de la mécréance majeure dont l'auteur sort de la religion de l'islam, ou alors cela peut s'opposer à la perfection du tawhid dans le cas où cette profanation est moindre que cela. Et la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de science ont mentionné qu'elle peut avoir lieu de différentes manières. La première est de les renier totalement. Ceci est la plus grave forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ont fait la secte des Jahmiyyah, comme on l'a mentionné dans un cours précédent, qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom. Car pour eux, dire qu'Allah a des noms revient à comparer Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures qui ont des noms. Donc, prétendant purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance à ses créatures, ils ont renié ses noms ainsi que ses attributs, wal'iyadu billah. Et il ne fait aucun doute que ceci relève de la mécréance majeure dont l'auteur sort de la religion de l'islam. La deuxième forme de profanation, c'est le fait de les interpréter et de les détourner de leur sens, comme l'ont fait les Mu'tazila, qui affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui renient leur sens et ce qu'il démontre comme attribut. On a vu dans un cours précédent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils indiquent ses attributs. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, indique l'attribut de la miséricorde. Al-Ghafour, le pardonneur, il indique l'attribut du pardon. Al-Aziz, le puissant, il indique l'attribut de la puissance, l'attribut de la force. Al-Samir, celui qui entend, il indique l'attribut de l'ouïe. Al-Basir, celui qui voit, il indique l'attribut de la vue. Al-Alim, celui qui sait toutes choses, il indique l'attribut du savoir. Et ainsi de suite, avec l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces noms indiquent un de ses attributs. Donc celui qui renie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors profané les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il a renié leur sens. Comme si les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala n'étaient que des termes qui n'avait aucun sens, wal'iyadu billah. La troisième forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de donner un des noms d'Allah à une créature, comme l'ont fait les polythéistes, qui ont appelé Al-Lat de cette manière, tirant ce nom du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ilah, et qui ont appelé Al-Uzza, tirant ce nom d'Al-Aziz. Ils ont donc donné les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci également est une forme de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la quatrième sorte de profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens de science ont mentionné, c'est le fait d'y introduire ce qui n'en fait pas partie, comme on l'a vu dans la parole d'Al-A'mash. Car la base, au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on ne lui donne comme nom que les noms par lesquels il s'est lui-même nommé dans son noble livre, et ceux par lesquels l'a nommé son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Et ce qui n'est venu ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique, il n'est pas permis de le considérer comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est une forme de profanation de ces noms. Comme l'ont fait par exemple les chrétiens, qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala le Père, wal'iyadu billah. Et ceci est un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas donné, sans parler de ce qu'il implique comme croyance relevant de la mécréance. Donc tout ceci nous montre que celui qui renie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors qui les interprète ou renie leur sens, ou qui introduit dans ces noms une chose qui n'en fait pas partie, ou alors qu'il les altère pour en faire des noms qu'il donne à des idoles ou à des statues, alors celui-ci est considéré comme un profanateur des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est sous la menace sévère qui est mentionnée dans ce verset. On tire donc comme bénéfice de ce verset et de son explication. Premièrement, l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les noms les plus beaux. En effet, il dit subhanahu wa ta'ala, Walillahil asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les noms les plus beaux. Et il n'y a aucun nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas beau. Et à partir de là, on doit prendre garde à ce que font certaines personnes qui prennent en raillerie la consonance de certains noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. En raison du fait qu'ils ne sont pas habitués à cette consonance, étant donné par exemple qu'ils ne sont pas arabophones de naissance, ou tout simplement parce qu'ils se sont habitués à prendre à la légère ce genre de sujet qui, comme on a vu dans un cours précédent, n'est pas un sujet de plaisanterie. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce verset l'interdiction de profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, d'une quelconque manière, parmi les manières que l'on a mentionnées. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce verset que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tawqifi, c'est-à-dire qu'ils sont limités au texte. On ne peut affirmer qu'un nom est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que si celui-ci est confirmé dans le Coran ou que celui-ci est confirmé dans la Sunna authentique. Si un nom n'est confirmé ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas permis d'attribuer ce nom à Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est une forme de profanation, comme on l'a vu à travers la parole d'Al-A'mash, rahimahullah ta'ala. On tire un cinquième bénéfice de ce verset, qui est un bénéfice immense et que l'on va détailler, inshallah ta'ala, et qui concerne ce qu'on appelle le tawassul. Le cheikh rahimahullah ta'ala, en mentionnant ce verset, c'est comme s'il avait voulu aussi nous démontrer quelle est la forme de tawassul qui est légiférée. Et on va expliquer le sens du mot tawassul, inshallah ta'ala. Et cette question, c'est une question très importante, car nombre de personnes se sont égarées à ce sujet et sont tombées dans diverses sortes de polythéisme ou d'innovation. Le tawassul, dans la langue arabe, il signifie at-taqarrub, le fait de se rapprocher. Donc le tawassul, ce qui est visé par celui-ci, c'est de prendre une wasila, de prendre un moyen menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prétendu que ce moyen menant à Allah subhanahu wa ta'ala était l'adoration des intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ils adorent différentes choses parmi les idoles, les statues et autres. Et ils prétendent que ces choses sont des intermédiaires entre eux et Allah. Comme on l'a vu dans un cours précédent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 de Sourate Az-Zumar, au sujet des polythéistes, qui disent « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. » Nous ne les adorons, c'est-à-dire leur divinité, leur faux dieu, que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ils en ont considéré leur divinité comme étant des moyens leur permettant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, ils n'adoraient pas ces divinités en elles-mêmes, car ils savaient que ces divinités ne créent pas, ne leur accordent pas leur subsistance, ne donnent pas la vie, ne donnent pas la mort. Mais ils prétendaient que ces divinités n'étaient que des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc réfutés dans le Coran et a clairement mentionné que ceci relève de la mécréance et du polythéisme. Et que ceci ne fait pas partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs. Et après eux sont venus les adorateurs de tombes, parmi les soufis ou encore les chiites et autres, parmi ceux qui ont suivi la voie des premiers polythéistes et qui se sont mis à adorer les morts, à les invoquer en dehors d'Allah, à leur vouer différentes sortes d'adorations comme le sacrifice, le vœu et ainsi de suite. Et lorsqu'on les blâme, ils disent: nous savons que ce ne sont que des créatures. Nous savons qu'ils ne peuvent pas créer, qu'ils ne nous donnent pas notre subsistance, que ce n'est pas eux qui nous ont donné la vie et que ce n'est pas eux qui nous donneront la mort. Mais nous les prenons comme intermédiaires entre nous et Allah. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré pour nous de prendre des intermédiaires entre nous et lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaires qui lui transmettent les besoins et les demandes de ses serviteurs. Mais il nous a ordonné de l'invoquer directement, sans intermédiaire. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a pas dit invoquez-moi en passant par des intermédiaires. Il n'a pas dit adressez votre demande à un tel ou un tel parmi les saints, parmi les walis ou autres, qui me transmettra votre demande. Mais il a dit Odu'uni, invoquez-moi. Je vous répondrai. Et dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Puis il dit: y a-t-il quelqu'un pour m'adresser une demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un pour implorer le pardon afin que je le pardonne? Tu vois donc très clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'invoquer, a ordonné d'implorer son pardon et a ordonné de lui adresser nos demandes directement, sans intermédiaire. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement toutes choses. Il sait quelle est la situation de ses serviteurs. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala dans les cieux et sur la terre. Et ce sont les rois de ce bas monde qui ont besoin d'intermédiaires. Les rois, les dirigeants, les grands patrons et ainsi de suite. Ils ne savent pas quels sont les besoins de leur peuple, quels sont les besoins des gens qui sont sous leur autorité, et ainsi de suite. Ils ont donc besoin d'intermédiaires qui viendront leur transmettre et leur rapporter les besoins des gens de leur peuple ou des gens qui sont sous leur autorité. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement toutes choses. Il entend toutes choses, il voit toutes choses subhanahu wa ta'ala. Il sait quels sont tes besoins. Il entend l'ensemble de tes demandes. Il sait même ce qu'il y a dans ton cœur, même si tu ne l'exprimes pas. Il n'a donc pas besoin qu'un intermédiaire vienne lui transmettre les demandes de ses serviteurs. Et certains parmi ceux qui soutiennent la permission du tawassul, qui est interdit, il se peut qu'ils prennent pour argument la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 35 de sourate Al-Ma'ida lorsqu'il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cherchez al-wasila, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui, c'est-à-dire de vous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 57 de sourate al-Isra: Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux-mêmes cherchent le moyen de se rapprocher encore plus de leur Seigneur. Eux-mêmes cherchent la wasila. Ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc compris de ces versets qu'elle wasila, c'est le fait de prendre un intermédiaire. Or, en aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces versets d'un intermédiaire. Il nous dit simplement de chercher le moyen de se rapprocher de lui. Et le moyen, qu'est-ce que c'est? C'est la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voie menant à Allah, c'est quoi? C'est le fait de lui obéir et de l'adorer seul, en dehors de tout autre que lui. Telle est la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui vouer un culte sincère dans l'adoration et l'adorer de la manière qu'ont légiféré les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Ceci est le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si une créature a un rang éminent auprès d'Allah, même si c'est un prophète, même si c'est un messager, même si c'est un ange, même si c'est un homme vertueux, un grand savant ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré pour nous de l'invoquer par le rang de ce serviteur, comme le font certaines personnes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par le rang du prophète. Par le rang du prophète, je te demande ceci et cela. Ou par le rang du saint un tel, je te demande ceci et cela, et ainsi de suite. Ceci n'est pas légiféré. Car la piété des prophètes, ou la piété des vertueux, elle leur est profitable pour eux-mêmes. Quant à nous, le moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire preuve de piété dans nos propres œuvres, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rapprocher de lui en lui vouant un culte exclusif. Quant au fait qu'un tel parmi les vertueux est un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne fait pas partie de nos œuvres. Nous n'avons aucune part de sa piété. Ceci est propre à lui-même. Il est donc très important de comprendre que le wasila, le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionné dans le Coran, c'est le fait de lui obéir. C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui te rapproche d'Allah. Quant au fait de prendre des intermédiaires entre nous et Allah, alors ceci n'a été légiféré ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important de comprendre que ce tawassul qui est interdit et qui est pratiqué par nombre de personnes parmi les musulmans se réclamant de l'islam, son jugement diffère selon les situations. Si celui-ci est accompagné de certaines formes d'adoration qui sont vouées à celui qu'ils prennent pour intermédiaire, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Par exemple, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, je te demande par le rang du wali un tel, ou du saint un tel, ou de sidi un tel, de m'accorder ceci et cela. » Si en parallèle de cette invocation, celui-ci voue des adorations à ce saint, il va auprès de sa tombe, fait des sacrifices pour lui, l'invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette forme de tawassul relève du polythéisme majeur. Mais si celle-ci n'est accompagnée d'aucune adoration vouée à celui qui l'a pris pour intermédiaire, il demande par exemple, Ô Allah, je te demande de m'accorder ceci et cela par le rang de ton prophète. Alors ceci fait partie des innovations et c'est un moyen menant au polythéisme. Car il se peut que la personne commence à faire ce genre d'invocation, puis que par la suite, elle se mette à vouer d'autres adorations à celui qu'elle a pris pour intermédiaire entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci concerne donc le tawassul qui est interdit. Reste à savoir maintenant quelle est la forme de tawassul qui est légiférée. Comme on l'a vu dans ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans le titre de ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer par ses noms. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par ses noms. Donc lorsque l'on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'invoque pas par le rang du prophète ou par le rang de Sidi un tel ou un tel, mais on l'invoque par ses plus beaux noms. Ceci est le tawassul qui est légiféré. Par exemple, que tu dises « Ya Rahman, irhamni, ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, irfirli, ô toi qui pardonnes, pardonne-moi. Ya Tawwab, toub alayhi, ô toi qui acceptes le repentir, accepte mon repentir. » Et ainsi de suite avec l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu utilises dans ton invocation le nom d'Allah qui correspond à ta demande. Il va de soi que on ne va pas utiliser un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de lien avec la demande. On ne va pas dire par exemple, Ô Allah, pardonne-moi, tu es certes shadid al-iqab, tu es certes dur en châtiment. Cela ne correspond pas à la demande. Mais on va dire, Ô Allah, pardonne-moi, antal ghafour, antal rahim, et ainsi de suite parmi les noms qui sont liés à la demande que l'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une forme de tawassul qui est légiférée. Également, parmi les formes de tawassul qui sont légiférées, il y a le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un serviteur vertueux qui est vivant et présent. Comme par exemple de demander à une personne vertueuse d'invoquer en notre faveur. Invoque Allah pour qu'il me pardonne. Invoque Allah pour qu'il me guérisse. Et ainsi de suite. Ceci est une chose qui est permise et légiférée. Bien que ceci ne soit pas indispensable, car comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer directement sans intermédiaire. Mais si on demande à une personne vivante et présente d'invoquer en notre faveur, il n'y a pas de gêne, cela est permis. Quant au mort, il n'est pas permis de lui demander quoi que ce soit. Il n'est donc pas permis d'aller auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la tombe d'autres que lui parmi les vertueux ou autres, et de dire « Invoque Allah pour nous. Demande à Allah de m'accorder ma subsistance, demande à Allah de m'accorder ceci et cela. » Car les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont jamais fait cela. La tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était devant eux, mais ils ne se rendaient pas auprès de sa tombe pour invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne se rendaient pas auprès de sa tombe pour lui demander d'adresser des demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci n'est pas légiféré. La troisième forme de tawassul qui est permise et légiférée, c'est le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui adresser tes demandes par l'intermédiaire de tes œuvres pieuses, tes propres œuvres. Comme cela est démontré par le hadith des trois hommes qui ont été enfermés dans une grotte suite à un rocher qui avait obstrué l'ouverture de la grotte. Chacun d'entre eux a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre qu'il espérait avoir accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'un a invoqué en raison de sa chasteté et du fait qu'il se soit préservé de toute relation interdite. L'autre a invoqué par sa bonté envers ses parents. Et l'autre a invoqué par son honnêteté et le fait qu'il avait préservé le droit de son employé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leur invocation et ils ont pu sortir de cette grotte. Et cela est même venu dans le Coran, comme on le retrouve dans le verset 193 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi et qui a dit croyez en votre Seigneur, et nous avons immédiatement cru. Ô notre Seigneur, pardonne-nous alors nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Également, il est permis de faire le tawassul, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le moyen du tawhid, du culte que tu voues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme en disant, comme cela est venu dans une invocation, As'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant. Je t'implore ou je t'adresse ma demande par le fait que tu es Allah et que nul n'est en droit d'être adoré en dehors de toi. De la même manière que l'a fait Dhunnun lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit au verset 87 de Surat Al-Anbiya. Fanada fi dhulumat, Alla ilaha illa ant, Subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il a donc imploré dans l'obscurité. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de toi. Purifié sois-tu. Je fus certes du nombre des injustes. Ceci sont donc les formes de tawassul qui sont légiférées et auxquelles il est permis aux serviteurs d'avoir recours. Quant aux formes précédentes que l'on a mentionnées, ce sont des formes de tawassul interdites desquelles il est obligatoire pour nous de nous écarter. On va maintenant passer au chapitre suivant qui est le chapitre 52. Que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Chapitre au sujet du fait que l'on ne doit pas dire « As-salam al-Allah ».« As-salam al-Allah », que le salut soit sur Allah. En effet, « As-salam », cela fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de dire que le salam soit sur Allah, car il est lui-même « As-salam ». De plus, lorsqu'on dit que le salut soit sur un tel, c'est une forme d'invocation pour cette personne. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de tout mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de toute nuisance, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être touché par aucun mal et par aucune nuisance. Et il n'a pas besoin que l'on invoque en sa faveur. Il n'a pas besoin de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qu'on invoque. Et l'invocation, elle n'a lieu qu'en faveur d'une créature qui est dans le besoin. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui el-Ghani. Il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Il se passe de l'ensemble de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui invoque en faveur d'Allah, comme en disant « As-salam al-Allah », que le salut soit sur Allah, alors ceci relève d'une forme de mépris à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci porte atteinte au tawhid, et s'oppose à la perfection du tawhid. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un hadith à ce sujet nous démontrant l'interdiction de cela. Il a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière et nous disions, As-salam ala Allah min ibadihi, que le salut soit sur Allah de la part de ses serviteurs. As-salam ala fulan wa fulan, et que le salut soit sur un tel ou un tel. Et dans une autre version du hadith, il est venu que le salut soit sur Jibril et Mikaïl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas as-salam ala Allah, car Allah est as-salam. Ne dites pas as-salam ala Allah, ne dites pas que le salut soit sur Allah. Ceci est une interdiction explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre donc que cela est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la cause. Il a dit, car Allah est as-salam. As-salam fait donc partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu également dans le verset 23 de surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Hu Allah, alladhi la ilaha illa hu, al-malik, al-quddus, as-salam. Il est Allah, celui dont nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui, al-malik, Al-Quddus, As-Salam. Donc ceux-ci font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de ce nom, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, de tout manquement, de toute imperfection. Il n'a donc pas besoin que quelqu'un lui accorde le salut, car il est lui-même exempt de tout défaut et de toute imperfection. Et également, As-Salam, c'est celui à qui on demande le salut. Mais dites à ce sujet sur cette invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ses prières, après les salutations finales, avant de se tourner vers ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il restait orienté vers la Qibla, implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à trois reprises, puis disait « Allahumma anta salam wa minka salam »« Oh Allah, c'est toi as-salam, et de toi vient le salam, de toi vient le salut » C'est-à-dire que c'est toi qui accordes le salut à tes serviteurs. C'est de toi que l'on demande le salut. On te demande de nous préserver des défauts, de nous préserver des manquements, de nous préserver des nuisances, de nous préserver des méfaits, et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-salam dans le sens où il est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Et il est as-salam dans le sens où c'est à lui que l'on demande le salut. Et c'est lui qui accorde le salut à ses serviteurs. Donc lorsque tu adresses la salutation à tes frères et sœurs en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh », tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes d'accorder le salut à cette personne à laquelle tu adresses cette salutation. Il est important d'avoir conscience de cela et de comprendre la valeur de cette salutation qui est la salutation des gens de l'islam. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver cette personne à qui tu adresses cette salutation de tout mal, de toute nuisance, de tout défaut et ainsi de suite. Et il y a dans cette salutation de nombreux bienfaits. Et il suffit, comme bienfait, cet apaisement que tu ressens dans ta poitrine lorsque l'on t'adresse cette salutation. Notamment dans certaines situations, comme par exemple, lorsque tu marches le soir dans un endroit obscur et que tu aperçois une silhouette. Il se peut que ceci t'inquiète, que tu craignes que cette personne soit une personne mauvaise, une personne qui va te nuire ou autre. Puis elle s'approche et tu entends ces mots, « Assalamu alaikum, que le salut soit sur vous ». Et immédiatement, ta poitrine est apaisée, car tu comprends que cette personne n'est pas là pour te causer du tort. Ceci est donc ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer à travers ce chapitre, qu'il fait partie de la révérence et du respect que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qu'il n'a pas besoin de nous, qu'il se passe de ses créatures, et que nous n'avons pas à invoquer en sa faveur, mais nous devons l'invoquer lui, en notre faveur, car c'est nous qui avons besoin de lui. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre chapitre qui est lui aussi lié à l'invocation. Donc c'est le chapitre 53 qu'il a intitulé « Chapitre au sujet de la parole « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». Le cheikh, rahimahullah ta'ala, a donc voulu nous démontrer le jugement de cette parole. Et ceci est très courant. Nombre de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils invoquent, qu'est-ce qu'ils disent à la fin de leurs invocations ? Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Qu'Allah te pardonne, Inch'Allah. Qu'Allah te guide, Inch'Allah. Et ainsi de suite. On va donc voir dans ce chapitre le jugement de cette parole. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de faire preuve de détermination, de certitude. Et tu ne dois pas lier ta demande à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lier ta demande à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est un mauvais comportement vers Allah. Pourquoi? Premièrement, car ceci est une forme de nonchalance. C'est-à-dire que c'est comme si tu adressais cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu étais indifférent au fait qu'il te réponde ou non. Comme si tu n'avais pas besoin de la réponse à cette invocation. C'est comme si tu lui disais, pardonne-moi, mais tu n'es pas obligé de me pardonner. Accorde-moi ceci et cela si tu le veux, mais tu n'es pas obligé. Comme si on pouvait se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela manifeste donc une forme d'indifférence au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à cette invocation. Comme si on pouvait se passer de lui. Et il ne fait aucun doute que le serviteur a besoin de son Seigneur. Tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Peu importe les moyens qui t'ont été accordés. Tous ces moyens, ils peuvent disparaître en un instant si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Tu ne dois donc pas te reposer sur les causes ou les moyens ou les bienfaits qui t'ont été accordés. Même si une personne fait partie des plus riches des gens les plus forts, des gens les plus puissants, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve ses bienfaits déjà, qu'il ne les lui retire pas, qu'il préserve sa force, qu'il préserve sa richesse, qu'il préserve son royaume et ainsi de suite, et qu'il l'aide à en profiter dans le bien, afin que ses bienfaits lui soient profitables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que ses bienfaits, que ce soit la richesse, les royaumes ou autres, ils sont voués à la disparition. Ils disparaîtront tôt ou tard. Donc la personne ne doit pas se reposer sur cela et sans cesse se rappeler qu'elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsqu'ils sont riches, ils ont un penchant vers l'insouciance. Ils invoquent moins Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont parfois moins sérieux dans leurs adorations, moins assidus à la prière en son temps et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils sont dans la difficulté, lorsqu'ils sont touchés par la maladie, lorsqu'ils sont touchés par la pauvreté, et ainsi de suite, alors ils font preuve de plus de ferveur dans leurs invocations, dans leurs adorations, et ainsi de suite. Et ceci provient de notre insouciance. Il est donc important de sans cesse te rappeler que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'aisance et dans la difficulté. La deuxième raison qui démontre que le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière est un mauvais comportement à l'égard de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car cela revient à penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondrait aux invocations par contrainte. Car lorsqu'il dit pardonne-moi si tu veux, le sens de cette parole c'est pardonne-moi et tu n'es pas contraint de me pardonner. Ou alors pardonne-moi mais je crains que cela soit difficile pour toi de me pardonner. Mais si tu veux, pardonne-moi. Il n'y a pas de doute que ceci est une mauvaise opinion et un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est une forme de mépris envers Allah subhanahu wa ta'ala qui s'oppose à la perfection du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est contraint de rien. Il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Et il se passe de l'ensemble de ses créatures. Et le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné la preuve à ce sujet et il a dit. Et dans l'authentique, c'est-à-dire toujours les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que l'un d'entre vous ne dise pas: ô Allah, pardonne-moi si tu veux, ô Allah, fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit déterminé dans sa demande, car rien ne contraint Allah. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné deux raisons de cette interdiction. La première, et que ceci montre une forme d'indifférence de la part de celui qui invoque. C'est pour cela qu'il a dit, et qu'il soit déterminé dans sa demande. Tu ne dois pas être indifférent. Donne-moi si tu veux, pardonne-moi si tu veux, et si tu ne me pardonnes pas, ce n'est pas grave. Non, tu dois être déterminé. Pardonne-moi, car j'ai besoin de ton pardon. Fais-moi miséricorde, car j'ai besoin de ta miséricorde. Aide-moi à apprendre la science, car j'ai besoin de ton aide pour apprendre la science. Accorde-moi ma subsistance, car j'ai besoin de toi pour avoir ma subsistance. Tu ne dois pas être indifférent et dire, donne-moi ma subsistance si tu veux, pardonne-moi si tu veux, et ainsi de suite. Et la deuxième raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée, c'est ce qu'on a dit, qui est le fait que lorsque la personne invoque de cette manière, c'est comme si elle faisait ressentir qu'elle craignait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à sa demande par contrainte ou par complaisance. Comme lorsqu'on dit à quelqu'un, donne-moi cela si tu veux, mais je ne vais pas te forcer, je ne te contrains pas. Seulement si tu as envie, tu me le donnes. Il n'y a pas de doute que ceci n'est pas convenable à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car rien ne contraint Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans ce hadith. Il fait ce qu'il veut, et c'est lui qui choisit ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut le contraindre ou avoir de l'influence sur lui. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné une autre narration de ce hadith, rapportée par Muslim, rahimahullah, dans laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et que sa demande soit ambitieuse ». C'est-à-dire que lorsque tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire preuve d'ambition. Car rien de ce qu'Allah donne n'est trop demandé. Ou alors, car il n'y a aucune demande qui est trop grande pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi ce qu'il donne. En effet, les richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas possible pour nous de les recenser. Il donne sans compter subhanahu wa ta'ala. Et ces richesses ne diminuent en rien lorsqu'il donne. Contrairement aux créatures, toi lorsque tu donnes, tes richesses en nombre, elles diminuent. Et il se peut que lorsque tu fais un don, cela soit difficile pour toi, que cet acte soit lourd à accomplir. Il se peut que tu sois en difficulté, mais que malgré tout, tu vas faire un don et te priver de certaines choses. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence. Il donne sans compter. Et parmi ses plus grands dons, il y a le paradis qu'il accordera à ses serviteurs croyants et vertueux. Il donne ici-bas et il donne dans l'au-delà subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne diminue en rien de sa richesse. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous, parmi les hommes et les djinns, se réunissaient tous en un seul endroit, et m'adressaient tous leurs demandes, et que je donnerais à chacun ce qu'il a demandé, ceci ne diminue en rien de ce que je possède. Allahu Akbar. Imaginez-vous l'ensemble des créatures, des premiers jusqu'aux derniers, hommes et djinns. Que tous en même temps ils adressent une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui demandent ce qu'ils veulent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à chacun d'entre eux ce qu'il veut. Cela ne diminue en rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu adresses tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire preuve d'ambition. Ne pas penser qu'une chose est trop demandée. Il y a certaines personnes parfois qui disent « Je ne veux pas exagérer dans mes invocations. » Allah musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala est le riche par excellence et il t'a ordonné de l'invoquer et il t'a promis de te répondre. Demande ce que tu veux, parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Rien n'est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est compliqué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Place ton espoir en lui et une bonne opinion de ton Seigneur et adresse-lui tes demandes. Avec détermination, sans lier ces demandes à la volonté en disant « Accorde-moi, donne-moi, Inch'Allah, si tu veux. » Ceci est interdit, comme on vient de le voir, à travers ce hadith. On tire donc trois bénéfices de ce hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce chapitre. Premièrement, l'interdiction de lier nos demandes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Il en est de même pour l'ensemble des invocations. Le deuxième bénéfice, c'est les raisons que l'on a mentionnées de cette interdiction. Et que cela relève d'un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si on était indifférent au fait qu'il nous réponde ou non, ou comme si on pensait qu'une demande était trop importante pour l'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, ou que cela était trop demandé pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Et le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la perfection de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces richesses ne diminuent jamais, malgré tout ce qu'il donne à ses créatures, et à tous ceux qui lui demandent, et ce depuis le début de la création. Médite, depuis que la terre et les cieux ont été créés, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs, des premiers jusqu'à aujourd'hui, ceci est indénombrable. Malgré cela, la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas diminué. Ceci nous montre donc qu'il est Al-Ghani, le riche par excellence, et que sa richesse est parfaite, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc avoir une bonne opinion de ton Seigneur, placer ton espoir en lui et placer ta confiance en lui et lui adresser tes demandes avec détermination en faisant preuve d'ambition. On va donc s'arrêter là pour ce soir car on a terminé ce chapitre et on verra dans le cours de demain les prochains chapitres. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.